إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on commence le cours 49. Inch'Allah, l'avant-dernier cours, Inch'Allah. Et on est en train d'expliquer aujourd'hui le hadith numéro 39. Hadith numéro 39. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. Donc ça, ce hadith là il est rapporté par البيهقي il est rapporté par ابن ماجه et البيهقي et d'autres également, et c'est un hadith selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Donc, c'est un hadith selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par-dessus les erreurs de la Ummah, ainsi que ce qui est fait par oubli, ou ce qui est fait sous la contrainte. Donc, si il y a des musulmans dans la Ummah qui font des erreurs, qui se trompent dans quelque chose, soit une parole ou une action, ou bien dans une action qu'ils font ou qu'ils ne font pas à cause de l'oubli, ou parce qu'ils ont été contraints à faire quelque chose, ils n'ont pas voulu le faire, mais on les a contraints à le faire, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il les pardonne, hein, il les excuse. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, « هذه بشرى للمؤمن » فقوله إن الله تجاوز لي عن أمتي يعني عفى سبحانه وتعالى عن أمته أو عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ إذا أخطأ المسلم وعمل ما لا يليق وكان خطأ غير متعمد أو غير متعمد فليس عليه شيء والله سبحانه وتعالى عفى عنه. قوله والنسيان إذا نسي وترك الطاعة أو ترك شيئا نسيانا لا تعمدا أو فعل شيئا ناسيا لا تعمدا ولا أو فعل شيئا لا تعمدا يعني ناسيا لا يؤاخذه الله عز وجل فضلا منه وإحسانا، ولكن الفرض لا يسقط بالنسيان فيأتي به قضاء. Donc le cheikh il dit que ça c'est une bonne nouvelle pour le croyant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne lorsqu'on fait quelque chose par oubli ou par erreur ou par contrainte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne, il nous fait preuve de sa grâce et de son pardon. Et ça c'est pour la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on fait une erreur, si un musulman il fait une erreur, il agit d'une manière qui n'est pas correcte, mais il ne le fait pas intentionnellement, il n'a pas prémédité ça, il ne le fait pas intentionnellement, donc, Inch'Allah, il n'y aura rien contre lui, il n'y aura pas de péché, parce que il n'a pas fait ça intentionnellement, il a fait ça par erreur. C'est un accident, si on veut. Okay? Donc, Allah le pardonne. De même que s'il fait quelque chose par oubli, hein, il a abandonné une obéissance à Allah, ou il a laissé tomber quelque chose, il n'a pas fait quelque chose qu'il devait faire, mais il n'a pas fait ça intentionnellement. Ce n'est pas prémédité. C'est, il l'a oublié complètement. Ou bien, par exemple, supposons qu'il a fait quelque chose, mais il l'a pas fait intentionnellement, il l'a fait par oubli. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui demander des comptes et il ne va pas le punir pour ça. Et ça, c'est, ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça fait partie de sa bonté envers les créatures. Comme si quelqu'un, par exemple, en plein jour dans le Ramadan, il prend un verre d'eau puis il boit, mais il n'a pas fait ça intentionnellement. Il a oublié qu'il est en train de jeûner. Il n'y a pas de problème. Il ne sera pas puni pour ça. Il ne sera pas pris pour compte. OK? Parce qu'il n'a pas fait ça intentionnellement. Il ne voulait pas manger ou boire. Il a juste fait ça par oubli. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de refaire son jeûne. Si, par exemple, il avait oublié sa prière, c'est l'heure de la prière qui est passée, il a oublié qu'il ne l'avait pas fait. Après, il se souvient, il dit, ah, c'est vrai, je n'ai pas fait la salat. Dans ce cas-là, aussitôt qu'il se souvient, il l'a fait à ce moment-là. Mais il ne sera pas puni. Il ne sera pas puni pour ne pas l'avoir fait parce qu'il n'a pas fait ça intentionnellement. OK? Il a oublié. Donc, ensuite, le cheikh il dit, « ثم قال, وما السكره عليه المكره على فعل السيئة لا يؤاخذ لأنه مسلوب الإرادة. قال تعالى, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على فعل الشر وهو لم يقصده فإنه لا يؤاخذ عليه لأنه ليس له إرادة وإنما هو مجبر مسلوب الإرادة وهذا فضل من الله لو شاء الله لعذبه ولكن الله تفضل عليه ولما نزل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على الصحابة أن الله سيحاسبهم على خطرات النفوس وخطرات القلوب وقل من يسلم من ذلك فشق ذلك عليهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون وقالوا كلفنا من العمل ما لا نطيق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا واستسلموا وآمنوا بالله فأنزل الله قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Donc le cheikh explique, il dit que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa ma sukrihu alayh, c'est-à-dire qu'est-ce que les musulmans de cette umma ont été forcés de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait sous la contrainte, et bien ils seront aussi pardonnés pour ça. C'est-à-dire que la personne qui a été forcée à faire quelque chose de mal ne sera pas puni. Parce que, à ce moment-là, il n'a plus de volonté. Il ne fait pas quelque chose selon sa volonté. C'est quelqu'un qui le force à le faire. Hein? Donc, quelqu'un, par exemple, il te force à faire quelque chose de haram ou à faire quelque chose de mal et il te menace avec une arme ou avec une épée ou avec quelque chose, il menace de te tuer, hein? Il te frappe, des choses de ce genre, il te torture. Tu le fais parce que tu as dit une parole ou tu as fait quelque chose et tu l'as pas fait volontairement ni intentionnellement, tu voulais pas le faire et dans ton cœur tu veux pas le faire, sauf que tu es forcé de le faire à cause de ça, et ben dans ce cas-là, tu seras pas puni. Et il mentionne l'exemple dans le verset 106 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quiconque a mécru en Allah après avoir eu la foi, excepté celui qui a était contraint alors que son cœur est rempli de sérénité, de sérénité dans son cœur par rapport à la foi. C'est-à-dire il a dans son cœur la foi et il a la paix dans son cœur par rapport à sa foi. Sauf que il a dit une parole de kufr parce qu'il a été contraint à le faire. Comme Ammar ibn Yasir, par exemple. Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu. Il a vu ses parents se faire tuer devant lui, hein, par la torture et tout. Donc, chez les Koum, ils ont tué son père et sa mère devant lui. Parce que, on voulait les forcer à dire les noms des idoles, ou bien à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou des choses de ce genre. Et on les forcer à revenir à la mécréance. Et le père et la mère d'Ammar ibn Yasir, ils ont refusé. Ils ont résisté jusqu'à la fin et finalement les mouchrikoun les ont tués. Et Ammar ibn Yasir, lui, il a été témoin de ça. Après, quand ils sont venus vers lui pour lui demander à lui aussi de dire le kufr, hein, il a eu peur, il était sous la contrainte et il a accepté de dire les paroles que les mouchrikoun l'ont forcé à dire. Et par la suite, il est parti, ils l'ont laissé partir et yani, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé pour lui pour savoir où est-ce qu'il était parce qu'il ne venait plus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par la suite à cause de la honte qu'il avait d'avoir dit ces paroles-là. Eh bien, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su la raison pour laquelle il ne voulait plus revenir, eh bien, il a dit que si les mouchrikoun ils t'attrapent encore une fois et ils te contraignent encore une fois à dire ces paroles-là et à faire ce que tu as fait, eh bien, refais-le encore. Hein? T'es excusé. Est-ce que tu avais la foi dans ton cœur à ce moment-là? Il a dit oui. Alors, il dit, dans ce cas-là, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Hein? Et s'ils reviennent, redis-le encore. Hein? Donc, ça, c'est des exemples, des choses que quelqu'un fait sous la contrainte. Et il dit donc, l'être humain, s'il est forcé de faire quelque chose de mal et il n'a pas eu l'intention de le faire, alors il ne sera pas puni. Parce que il n'avait, ça ne fait pas partie de sa volonté de le faire. Il a été forcé. Donc, c'est comme s'il n'avait plus de volonté à ce moment-là. OK? Et donc, ça, ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si Allah aurait voulu, il l'aurait châtié pour ça. Mais, par sa grâce, hein, il nous pardonne quand on fait des actes comme ça. Et il mentionne un autre verset dans Surat al-Baqarah, le verset 284, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est à Allah qu'appartient les cieux et c'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et si vous divulguez ce que vous avez en vous-même ou que vous le cachez, eh bien Allah va vous juger pour ça, va vous tenir des comptes pour ça. C'est-à-dire, vous cachez quelque chose en vous-même, hein, vous avez des pensées dans vos cœurs, ou bien vous le divulguez, vous dites ça à voix haute, mais vous allez être jugé pour ça, quand même. Même si on ne le dit pas, ça c'est le verset. Mais, comme le cheikh il mentionne, il dit ça, c'était trop, très dur pour les sahabas. Quand ils ont entendu ça, les sahabas ont trouvé que c'était très lourd. Hein? Alors, comme si pour eux c'était dur, que Allah il va nous juger même pour nos pensées, et les pensées de nos cœurs, et des choses de ce genre, donc, c'est très rare que quelqu'un peut être épargné de ce genre de pensée-là. Des fois, quelqu'un, il ne fait pas le mal, mais des fois, ça peut lui arriver qu'il a une suggestion mauvaise dans son esprit, dans son cœur, à certains moments donnés. Il pense à faire quelque chose de mal. Hein? Et donc, c'est très dur de contrôler ça, parfois. Alors, ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont plaints de ça. Ils ont dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on nous a donné comme obligation, ou comme ordre, on nous a chargé de choses qu'on n'est pas capable de faire. Et c'est trop pour nous, cet ordre-là. Il y avait beaucoup de choses qui ont été ordonnées par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre beaucoup d'ordres. Hein, et des interdictions. Et on les a acceptées. Mais celui-là, c'est trop lourd, on ne peut pas. Hein? Alors, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ça. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, selon Abu Huraira, il a dit, est-ce que vous voulez dire la même chose que les fils d'Israël ont dit? Quand Allah leur a ordonné de faire quelque chose, ils ont dit, on entend et on obéit. Dites, nous entendons et nous obéissons. Alors, les sahabes ont répété. Ils ont dit, on entend, nous entendons et nous obéissons. Et ils se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont cru à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les versets suivants. Et vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 285, le verset qui suit, le verset qu'on a lu tout à l'heure, le messager a cru en ce qui a été descendu sur lui de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Ils croient tous en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, yani, après qu'ils aient cru, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la suite du verset. C'est après que les sahaba se sont soumis à Allah, ils ne se sont pas objectés à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, a commencé à discuter, et bien Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés. Et vous allez voir la suite. الشيخ يقول ثم أنزل الله تعالى بعدما آمنوا بهذه واستسلموا ولم يعترضوا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ففرج الله عنهم ما ففرج الله عنهم ونسخ الآية التي قبلها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله نسخ الله ذلك بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال تعالى قال الله قد فعلت فاستجاب الله هذه الدعوات منا فاستجاب الله هذه الدعوات منا منه وكرما فله الحمد والمنة وهو سبحانه يختبر العباد فقد اختبرهم بالآية الأولى فلما استسلموا وآمنوا بما حين ذاك خفف عنهم واستجاب دعاءهم بها فقد اختبرهم بالآية الأولى فلما استسلموا وآمنوا بها حين ذاك خفف عنهم واستجاب دعاءهم وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. Donc, comme je disais, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a vu que les sahaba ont cru en ce qu'il avait fait descendre et qu'ils se sont soumis, ils ne se sont pas objectés, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la suite du verset, dans le verset 286. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah سبحانه وتعالى ne charge pas une âme par quelque chose qu'elle ne peut pas porter, qu'elle ne peut pas supporter. Donc Allah سبحانه وتعالى ne fait pas descendre des ordres ou des obligations qui sont trop lourdes pour nous qu'on n'est pas capable de supporter. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Il dit, il a fait descendre dans le verset 286, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, une charge qu'elle n'est pas capable de prendre. Elle sera récompensée du bien qu'elle fait et punie du mal qu'elle fait. Laha ma kasabat wa alayha ma ktasabat. Donc, ça c'est les versets qui ont été descendus et Allah subhanahu wa ta'ala, il a, disons, délivré les croyants et il leur a enlevé cette charge qui était trop lourde pour eux, et il a fait que le verset qui était révélé auparavant, dans le verset 284, a été abrogé par les versets qui suivent. Donc le verset tout à l'heure qu'on a lu, si vous divulguez ce qui est en vous-même, ou que vous le cachiez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous juger pour ça, il va vous demander des comptes pour ça quand même. Et bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a abrogé ce verset, par la suite du verset 286, dans lequel il dit, Seigneur, ne nous fais pas, ne nous châtie pas, Rabbana, la tu'akhizna, ne nous châtie pas pour, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Innasina, ou akhtana. Donc, on voit, c'est comme dans le verset, comme dans le hadith. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, إِنَّ اللَّهَ تَجَوَّزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَى وَالنِّسْيَانِ. L'erreur et l'oubli. Et dans ce verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لَا تُؤَخِذْنَا. On demande à Allah de ne pas nous demander des comptes ou ne pas nous tenir, nous punir ou nous demander des comptes si on a fait quelque chose par oubli ou par erreur. Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Et ensuite, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Et ensuite, Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous, et fais-nous miséricorde, tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples mécréants. Khansurna ala al-qawm al-kafirin. Donc, à la fin de ce dua, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, je l'ai fait, c'est-à-dire je vous ai exaucé dans votre demande. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé ces invocations-là quand on fait ces du'as, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exauce, et ça fait partie de sa grâce, hein, il nous remet le bien qu'on a demandé, il nous demande, quand on lui demande, il nous efface ces péchés-là, et il nous enlève ces difficultés-là. Et il nous pardonne qu'est-ce qu'on a fait par erreur ou par oubli. Et donc, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Donc, Allah, il éprouve ses serviteurs, il leur fait passer des tests. Le premier verset qui avait été révélé, le verset 284, c'était un test pour les croyants. Et lorsque les croyants ont cru et ils se sont soumis, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a allégé pour eux leur charge. Et il a exaucé leurs invocations. Et ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement au peuple parmi les kuffars, lorsque, par exemple, Allah leur ordonne de faire quelque chose et qu'ils refusent de le faire, eh bien, pour les punir, il leur rend les choses plus difficiles par la suite. Et il leur rend leur religion plus difficile et plus compliquée. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le Coran par rapport aux juifs, par exemple. Et vous connaissez, je l'ai mentionné déjà, l'histoire de la vache, quand Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné aux Juifs de sacrifier une vache, eh ben, ils pouvaient égorger n'importe quelle vache. Mais ils ont commencé à questionner Moussa alayhi salam au sujet de cette vache. Comment elle est, hein, décrit l'anneau, hein, et commencer à demander plein de questions au lieu de se soumettre. Eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu les choses tellement compliquées à la fin, qu'il leur a fait sacrifier la vache qu'ils aimaient le plus. Hein? Et ça, c'est parce que c'était pour les punir, du fait d'avoir refusé de se soumettre à partir du début. Donc, le Cheikh dit, « فالحاصل أن هذا شاهد للحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وقال الله قد فعلت والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ بالخطأ لا يؤاخذ بالخطأ ولا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالإكراه وكان هذا مما كلف الله به الأمم السابقة عقوبة لهم ولكن هذه الأمة رحمها الله وخفف عنها لأنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الإيمان والتسليم لله عز وجل وعدم الاعتراض على الله فاليهود لما قالوا سمعنا وعصينا شدد الله جل وعلا عليهم وهذه الأمة لما قالوا سمعنا وأطعنا خفف الله عنهم وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il résume tout ce qu'il a dit comme explication jusqu'à maintenant. Il dit donc que on peut dire en résumé que qu'est-ce qui est écrit dans ce verset-là, c'est un témoin. C'est quelque chose qui témoigne pour la signification du hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a pardonné pour ma umma ce qu'ils ont fait par erreur, ce qu'ils ont fait par oubli, c'est exactement la même signification que lorsqu'on dit dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. C'est-à-dire, ô notre Rab, ne nous prends pas pour compte pour ce qu'on a fait par oubli ou par erreur. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et je l'ai fait. C'est-à-dire, il nous exauce quand on a demandé cette chose-là. Et le Cheikh, il a mentionné encore une fois un autre verset dans Surat Al-Ahzab, le verset 5, qui donne un peu la même signification. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmé pour ce que vos cœurs font délibérément. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Donc, ça c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne nous prend pas pour compte à cause de nos erreurs, et qui ne prend pas pour compte nos oublis. Quand on ne fait pas quelque chose volontairement, on ne l'a pas fait intentionnellement, délibérément, alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne. Tant qu'on n'a pas fait par tant qu'on l'a fait par oubli ou par erreur, ou bien par sous la contrainte, il ne va pas nous punir pour ça, il ne va pas nous compter ça comme étant un péché. وكان هذا مما كلف الله به الأمم السابقة عقوبة لهم. Donc les peuples qui étaient avant nous, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait ces charges à suivre. Pourquoi? Pour les punir, à cause de leur désobéissance et leur refus de se soumettre. Mais notre Umma, Allah lui a fait miséricorde et il a allégé la charge pour cette Umma, parce que c'est la Umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont des gens qui ont la foi et qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne s'objectent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les juifs, eux, lorsque Allah leur a ordonné quelque chose, au lieu de le faire, ils ont dit, nous avons entendu et nous désobéissons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu les choses difficiles. Et notre umma, cette umma, lorsque Allah nous a ordonné, lorsque Allah a ordonné à cette umma, ils ont répondu, nous avons entendu et nous obéissons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a allégé la charge pour nous. Et ça c'est une grâce de sa part, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça vient compléter l'explication de ce hadith, qui est le hadith 39. Et maintenant, on va commencer à lire l'explication du hadith numéro 40, al-hadith al-arba'un. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc ce hadith, qui est le hadith numéro 40, c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Il dit que, yani c'était un petit garçon à l'époque, il était jeune, et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par ses épaules et il lui a dit une parole très importante. Il lui a dit, soit dans ce monde, soit dans ce bas monde, comme un étranger ou bien un voyageur. Il lui a dit ensuite, et ensuite il dit que Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il disait souvent, lorsque tu te couches, ou lorsque c'est le soir, alors n'attends pas le matin. Et lorsque c'est le matin, alors n'attends pas le soir et prends un peu de ce que tu as durant les moments que tu es en santé, yani pour profiter de ces moments-là pour faire le bien, yani pour les moments où quand tu seras malade tu pourras pas le faire. Et prends un peu de ta vie pour te préparer par rapport à ta mort. Donc profite de ta santé pour quand tu vas être malade et profite de ta vie pour lorsque tu vas mourir. C'est ça que ça signifie. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Il dit, « هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنهما، أي أمسك صلى الله عليه وسلم منكبيه لأجل أن ينتبه لما يقوله له، وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية جامعة وكلام جامع من جوامع الكلم. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تنبسط في الدنيا وتشتغل بها عن آخرتك. الشيخ دي في حديث لا on voit dedans que le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a pris Ibn Umar radiyallahu anhuma par les épaules. Il a pris Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma par les épaules. Et il lui a dit, soit dans ce bas monde, hein, comme un étranger ou bien un voyageur. Le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pris Ibn Umar par les épaules, ça c'est pour qu'il prenne son attention, hein, pour qu'il fasse attention à qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire par la suite. Et ça montre également l'humilité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à quel point il avait le désir de voir les gens sur le droit chemin et qu'il leur donnait toujours des bons conseils. Et donc dans cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, soit dans cette dunya comme si tu étais un étranger ou bien un voyageur. Et dans ce conseil-là, il y a quelque chose de, yani, disons, dans cette consigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné, il y a quelque chose qui englobe toutes les significations du bien. Hein? Ça englobe toutes les significations du bien dans ces paroles-là. Donc ça fait partie de Jawami al-Kalim. Des mots, c'est-à-dire bien calculé, un très petit nombre de mots, mais qui ont une très grande signification. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, soit dans ce bas monde, comme si tu étais un étranger. C'est-à-dire, yani, ne te mets pas trop à l'aise, et commence pas trop à te sentir à l'aise et à te réjouir, et à te préoccuper trop de cette dunya, au point où tu vas commencer à oublier ton au-delà, ou à négliger ton au-delà. والغريب هو الذي يكون في بلد غير بلده، فإن الغريب إذا كان في بلد ليست بلده لا ينبسط فيها ولا يطمع في السكن والاستمرار فيها، وإنما يكون على أهبة الاستعداد للرجوع إلى بلده. والدنيا ليست دارا للمسلم، وإنما دار المسلم هي الجنة، وهو وجد في الدنيا من أجل أن يعمل للجنة، فيأخذ حاجته من الدنيا ليستعين بها على عمل الجنة، أما أن يطلب الدنيا لذاتها فهو يشتغل بشيء ليس له ولا يدوم، لأن الدنيا ليست له. كن في الدنيا كأنك غريب. Donc le cheikh explique, il dit, l'étranger, hein, c'est lui qui n'est pas dans son pays à lui. Hein, il est dans le pays de quelqu'un d'autre, ou dans un autre pays, autre que le sien. Et donc, quand quelqu'un n'est pas dans son propre pays, il ne se sent pas à l'aise. Il n'est pas content, il n'est pas heureux d'être là. Il pense à s'en retourner chez lui. Il ne pense pas à s'établir et à rester longtemps dans cet endroit-là où il est. Il pense à se préparer pour retourner chez lui, dans son pays. Et donc, la dunya, ce bas monde dans lequel on vit, par rapport pour le musulman, ce n'est pas sa demeure. Ce n'est pas sa demeure à lui, ce n'est pas son pays. Cette terre-là, ce bas monde dans lequel on est en train de vivre maintenant, ce n'est pas seulement le pays dont on n'est pas en train de parler d'un pays, là. On est en train de parler de la vie entière, de tout ce qui est dans cette dunya, dans ce bas monde, qui est éphémère. Eh bien, ça c'est pas notre monde à nous, le musulman. Le croyant, le mu'min, hein, il ne vit pas pour cette vie d'ici-bas. Il pense à son au-delà, à son paradis. Donc la demeure, la vraie demeure du musulman, c'est le paradis, c'est pas la vie d'ici-bas. Hein. Donc, يعني si tu te trouves dans cette dunya, c'est uniquement pour être capable de faire des actions qui vont te permettre et te préparer pour rentrer au paradis par la suite. Donc tu dois uniquement prendre de ce bas monde qu'est-ce qui est nécessaire pour toi dans tes besoins pour que tu puisses t'aider à faire le travail et les actions qui vont te faire rentrer au paradis par la suite. Hein? Mais non pas te concentrer uniquement sur le travail pour rester ici dans ce bas monde. Hein? Parce que le cheikh il dit, si tu recherches la vie d'ici-bas pour la vie d'ici-bas elle-même, et que tu veux rester dedans et travailler pour celle-ci seulement, alors c'est comme si tu es en train de travailler pour quelque chose qui est de passage, quelque chose qui ne reste pas, quelque chose qui va s'en aller, quelque chose qui est court, qui est éphémère. Hein? Donc, la dunya, elle ne t'appartient pas, elle n'est pas à toi. C'est pas, t'es pas là pour rester. Hein? C'est juste un arrêt, puis après, tu continues ton chemin. C'est fini, après tu t'en vas ailleurs. Donc, il faut voir la vie d'ici-bas de cette manière-là. Hein? Et, Allah al-Musta'an, il y en a qui donnaient des exemples, parfois, j'ai entendu souvent des gens qui donnaient des exemples en parlant de ce hadith. Il y en a qui disaient, c'est comme quelqu'un, par exemple, il vit dans cette dunya, hein, et puis, il a comme une grande maison. Donc, il comparait la vie d'ici-bas à une grande maison, et puis, il comparait cette vie-là dans la maison à une pièce de la maison. Il disait, si quelqu'un, il travaille pour cette dunya uniquement pour ici, c'est comme si en réalité, il était dans une des pièces de sa maison qui était immense et qui voulait juste vivre dans cette pièce-là. Il ne voulait pas se préparer pour hein, aller dans le reste de la maison pour pouvoir profiter de ce qui est ailleurs dans le reste de la maison. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais quand même, c'est pour nous faire comprendre que cette vie d'ici-bas-là, c'est rien par rapport à l'au-delà et qu'on ne doit pas travailler uniquement pour ce qui est ici dans le but de s'établir. Mais il faut penser à se préparer et utiliser cette vie d'ici-bas pour nous aider à faire le travail qui va nous aider à aller au paradis par la suite. Donc, le cheikh il dit, « Kun fi dunya ka'annaka gharib, ma'lumun halul gharib, alladhi fi ghayri baladih, annahu da'iman yatadhakkar watanahu wa darahu, wa yahinnu ila dhalik. » Donc on le sait très bien, lorsque quelqu'un il est étrange, et lorsqu'il est étranger dans un pays, il n'est pas chez lui, il est en visite, hein, il est venu pour faire quelque chose, il pense à retourner chez lui, hein, il ne veut pas rester. Il a toujours l'envie, le désir, la nostalgie de retourner d'où il vient et d'aller dans son pays. Et c'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour faire comprendre que tu dois te sentir comme si tu n'étais pas chez toi. Tu ne dois pas te mettre trop à l'aise dans cette vie d'ici-bas. Ensuite, le cheikh il dit, وَقَوْلُهُ كَأَنَّكَ غَرِيبٌ يَعْنِي مِثْلَ الْغَرِيبِ بِمَعْنَى أَنَّكَ لَا تَنْبَسِطُ فِيهَا وَتَشْتَغِلُ بِهَا وَتُعْتِيهَا كُلَّ فِكْرِكَ وَقَلْبِكَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَارًا لَكَ بَلْ كن فيها مؤقتا تنتظر الرجوع إلى بلدك والمسلم كذلك هو في الدنيا غريب لأنها ليست دارا له الدار التي خلقها الله للمؤمن هي الجنة وكان آدم وزوجه في الجنة أسكنهما الله في الجنة ثم حصل منهما المخالفة لأمر الله وتاب وندم وتاب الله عليهما ولكن أخرجهما من الجنة وأنزلهما إلى الأرض إلى دار ليست دارا لهما فكذلك ابن آدم يحن إلى وطنه الأول الذي أخرج منه ليرجع إليه. Donc, le cheikh il explique ici que tu dois être comme un étranger, comme il disait juste auparavant, il répète encore que d'être comme un étranger, c'est-à-dire tu ne dois pas te sentir trop à l'aise, puis travailler uniquement pour cette dunya, et lui donner toute ta pensée, tout ton cœur, toute ton attention, hein, parce que c'est pas ta maison, c'est pas ta demeure, c'est pas ton pays. Hein, tu dois rester temporairement dedans, et tu dois toujours espérer et attendre de retourner dans ton pays. Hein. Donc le musulman, c'est comme ça, dans cette dunya, il doit être comme un étranger, parce que c'est pas sa demeure à lui. La maison, la demeure que Allah a créée pour le croyant, c'est le paradis. Et Adam et son épouse, ils étaient dans le paradis à l'origine. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés, il les a saisis dans ce paradis. Puis ils ont désobéi à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, ils se sont repentis, ils ont eu des remords, ils se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur repentance par la suite. Mais il les a fait sortir du paradis. Et il les a fait descendre sur cette terre sur laquelle on vit maintenant. Et donc, en réalité, cette terre sur laquelle on vit maintenant, c'était pas la terre de nos premiers pères. Et c'est pas notre terre à nous non plus. C'est-à-dire, c'est pas notre demeure à nous. Ni la demeure de nos premiers parents, et ni notre demeure à nous. C'est une demeure temporaire. Notre vraie demeure, si on est mu'min, si on est croyant, c'est le paradis. Et c'est là qu'on va retourner, Inch'Allah, si on agit, si on adopte l'attitude de l'étranger, du gharib. Et donc, la même manière que nos premiers parents, ils n'étaient pas chez eux dans cette dunya, la même chose pour les fils d'Adam également. Ils ne sont pas chez lui. Ils ne sont pas chez eux. Ils veulent retourner vers leur première demeure de laquelle ils ont été expulsés ou de laquelle on les a fait sortir, c'est-à-dire le paradis. ثم قال أو عابر سبيل وهو المسافر والمسافر إنما يستريح في أثناء سفره ثم يواصل السفر ولا يستوطن فيكون المسلم في الدنيا مثل المسافر وهو في الحقيقة مسافر ليس مقيما لأن مدته في الدنيا قليلة وهو يسير إلى الآخرة تسير به الأيام والليالي إلى الآخرة وهكذا ينبغي أن تكون حالة المسلم في الدنيا غريبا أو عابر سبيل وأن يكون همه الرجوع إلى بلده وبلد المسلم هي الجنة فيستعد لها وتكون هي همه وما يوصله إليها. الشيخ الزي comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'être comme un étranger ou bien d'être comme un voyageur. Et le voyageur, il se repose durant son voyage et puis il reprend son chemin. Il ne va pas rester là sur la route puis dire ça y est, je reste ici, je ne bouge plus. Non, il continue son chemin. Il se repose un petit temps et puis il continue son chemin. Donc le musulman doit être comme le voyageur. Il ne doit pas dire, bon, ici je suis arrivé à ma destination dans cette dunya. Non, tu n'es pas arrivé à ta destination. Ta destination, c'est le Jannah. Ta destination finale, c'est le paradis. Toi, tu es seulement en train de marcher et d'avancer vers cette destination finale. Donc, si tu t'arrêtes en cours de route et puis tu dis, je m'installe ici, alors tu manques ton objectif. Et donc, c'est comme ça le mu'min. Il doit continuer son voyage. Et donc, il doit continuer son voyage. Dans cette dunya, c'est pas sa destination. Il est toujours un voyageur. Depuis le début de sa vie, quand il vient au monde, jusqu'à sa mort, il fait son voyage. Vers quoi? Vers l'akhira, vers l'au-delà. Et donc, ça, c'est la réalité. la réalité du musulman. Il n'est pas un résident. Il est un voyageur. Et la durée de son voyage, c'est très court dans cette dunya, en réalité, par rapport à l'akhira, parce que l'akhira, c'est éternel. Donc, tu avances et les jours se succèdent. Les nuits et les jours se succèdent vers l'au-delà. Hein? Et c'est comme ça que le musulman, il doit voir sa vie dans cette dunya, comme un étranger, comme quelqu'un qui marche sur un chemin et qui est en voyage. Hein? Et donc, son seul intérêt, son seul souci, c'est quoi? C'est de retourner vers son pays, vers son origine, vers sa base. Hein? Et c'est-à-dire le paradis. Pour le croyant, c'est le paradis. Donc il se prépare pour ça. il se prépare pour retourner au paradis en faisant les bonnes œuvres. Et c'est ça, c'est son souci. Et c'est ça qui va l'amener. Hein? Il fait les actes qui vont lui permettre d'y arriver, c'est-à-dire, il obéit à Allah. Et il s'écarte de ce que Allah a interdit. Ça, c'est la voie vers le paradis. وَلَمَّا سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْوَصِيَّةَ مِنَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ وَلِكُلِّ أَحَدٍ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُؤَخِّرِ الْعَمَلَ إِلَى اللَّيْلِ وَإِذَا فلا تؤخر العمل إلى الليل تقول أعمل هذا العمل بالليل بل بادر به واعمله فلعلك لا تدرك الليل وإذا أمسيت فلا تؤخر العمل والتوبة إلى الصباح فلعلك لا تدرك الصباح لا تدرك الصبح فليس لك إلا الساعة التي أنت فيها فبادر ولا تؤجل العمل الصالح والتوبة والاستغفار إلى وقت آخر. Donc, le Cheikh explique que lorsque Ibn Umar radiallahu anhuma a entendu ce conseil de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux gens et à chacun d'entre eux, lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Qu'est-ce que ça signifie? Cheikh Al-Fawzan il dit, lorsque tu te lèves, ne retarde pas l'action que tu veux faire jusqu'au soir. Ne dis pas par exemple, je vais faire cette action-là le soir. Dépêche-toi de le faire et applique-le tout de suite, pratique-le tout de suite. Peut-être que tu ne vas pas être capable de vivre jusqu'au soir, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Mais lorsque tu arrives au soir et que tu veux faire quelque chose, une action, tu veux te repentir ou des choses de ce genre, n'attends pas au matin. Parce que tu ne sais même pas si tu vas vivre jusqu'à ce matin-là. Tu n'as en réalité que le moment dans lequel tu es en train de vivre et le moment présent. Hein? Donc, précipite-toi et dépêche-toi et ne retarde pas les actions et la repentance, les bonnes œuvres, la demande du pardon à un autre moment. Hein? Comme on dit parfois même dans le dicton, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est la même chose. Ne remets pas au soir ce que tu peux faire maintenant. Et quand c'est le soir, ne remets pas au matin. Et c'est ça le conseil que Ibn Umar donnait. Ensuite, il dit, ثُمَّ قَالْ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ هَذِهِ مِنْ وَصِيَّةِ ابْنِ عُمَرْ مَا دَامَ الْإِنسَانِ فِي صِحَّةِ وَعَافِيَةِ فَهُوَ قَوِيٌّ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ يقدر على الجهاد في سبيل الله يقدر على الدعوة إلى الله ويقدر على بذل الخير أما إذا سقم ومرض فإنه لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يقوم الليل ولا يستطيع ما كان يستطيعه وهو في صحته بسبب المرض والصحة لا تدوم ما دام الله أعطاك الصحة فبادر بالأعمال الصالحة لأنه سيأتي عليك وقت لا تستطيع أن تعمل فيه إما لمرض أو لكبر وهرم للشيخ الدين. Et ensuite Abdullah ibn Omar il disait, هذه من وصية ابن عمر. Donc ça fait partie du conseil de Abdullah ibn Umar. Il a dit, du moment que quelqu'un il est en bonne santé, profite de ta santé pour les moments où tu vas être malade. Du moment que tu es en santé, tu es en bonne forme, tu es fort, tu es capable de jeûner, tu es capable de prier la nuit, tu es capable de faire le jihad, fisabilillah, tu es capable de faire la da'wa et d'appeler les hommes à Allah, tu es capable de faire beaucoup d'efforts dans le bien, hein, alors profite-en. Et fais ces bonnes œuvres. Attends pas que tu tombes malade, après tu dis je peux rien faire. Ou que tu aies un accident, tu peux plus marcher, tu peux plus bouger, hein, tu deviens paralysé, ou bien tu es trop vieux, tu peux plus faire rien, tu es en chaise roulante ou des choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, parce que si tu tombes malade, alors tu ne pourras pas faire tout ce que tu faisais avant, tu ne pourras pas jeûner facilement comme avant, tu ne pourras pas te prier la nuit, tu ne pourras pas faire tout ce que tu étais capable de faire lorsque tu étais en bonne santé à cause de ta maladie. Donc, il a dit, la santé, c'est quelque chose que tu as, mais elle ne dure pas éternellement. Hein, c'est pas quelque chose que tu dis, bon, là je suis en santé aujourd'hui, là je suis jeune maintenant, j'ai ma santé. Pense pas que c'est comme ça tout le temps. Hein, la maladie va venir, hein, un jour ou l'autre. Donc, profite-en pendant que tu es en bonne santé. Profite-en pour faire le bien. Et il dit, yani, donc du moment qu'Allah t'a donné la santé, alors dépêche-toi pour faire les bonnes œuvres. Parce qu'il y a un moment qui va venir où tu ne seras pas capable de le faire, soit parce que tu seras malade ou que tu seras vieux. Hein? Ensuite, il dit, « Wa qawluhu wa min hayatika li mawtik. Khudh min hayatika fi hadhihi ad-dunya li mawtika. Ista'id lil mawt. Wa ma ba'da al-mawt. Fallahu a'taak hadhihi al-hayat wa hadha al-ajal min ajli an tastaghillahu fi ma yanfa'uk fi al-akhirah. فلا تصرفه في اللهو واللعب وجمع الحطام وإنما تصرفه فيما تجده عند الله سبحانه وتعالى فهذه وصية استنتجها ابن عمر من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له فينبغي للمسلم أن تكون هذه الوصية دائما بين عينيه فيكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل ولا يؤجل العمل إلى وقت آخر قد لا يدركه ولا يصرف صحته وقوته في اللهو واللعب ولا يصرف حياته كذلك في اللهو واللعب لأنه سيخسر عما قريب إلا إذا استغل هذه الإمكانات فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. الشيخ الذي يقصد عبد الله بن عمر الذي profite de ta vie pour lorsque tu vas mourir. C'est-à-dire profite de ta vie, prends une partie de ta vie et profite-en dans cette dunya de faire des bonnes œuvres avant ta mort. Prépare-toi pour ta mort. Et pour qu'est-ce qu'il va y avoir après la mort, hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette vie, il t'a donné un terme à cette vie. Alors, profite de cette vie qu'il t'a donnée, de ce temps qu'il t'a donné dans cette dunya, pour faire ce qui est bénéfique pour toi dans l'au-delà. Et ne dépense pas tes énergies et ta vie dans les distractions et les jeux, hein, dans les distractions et les jeux de cette vie d'ici-bas, parce que si tu fais ça, tu perds ton temps, tu rassembles toutes sortes de choses, tu dépenses ton énergie et tout pour la dunya, t'oublies ton au-delà, ça c'est grave. Donc, tu dépenses de ta force et de ton énergie et de ta vie pour qu'est-ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le conseil que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il dit le cheikh, que ça, c'est le conseil que Abdullah ibn Omar a extrait du conseil du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a lu tout à l'heure. D'être dans la dunya comme un voyageur ou comme un étranger. Et donc, lui, il a extrait de ça, c'est ce conseil-là qu'il donnait aux gens. Et donc, le musulman, il doit suivre ce conseil lui aussi. Et le mettre devant ses deux yeux, comme c'est quand il marche, comme quand il avance, il met toujours ces conseils-là devant lui-même. Il s'en souvient tout le temps. Il essaie de vivre selon ces conseils-là. Et c'est vrai que lorsque tu penses à ça, et que tu réfléchis sur la signification de ces conseils, tu vois que c'est vraiment quelque chose qui t'inspire à vraiment prendre les choses au sérieux dans ta vie. Tu vis comme si tu étais un étranger, ou bien comme... un voyageur. Tu ne vas pas retarder une action à un autre moment, peut-être que tu ne vas pas pouvoir atteindre ce moment-là. Et tu profites de ta santé et de ta force. Tu ne les dépenses pas dans les choses de divertissement et de jeu, hein, pour te détourner de qu'est-ce qui est plus important. Et on voit que la vie, telle que les gens d'ici-bas, les gens de cette vie d'ici-bas, les kuffars en particulier, comment ils vivent actuellement? Ils vivent de cette manière. Ils vivent comme si pour eux, hein, le contraire de ce que le prophète Sallam a dit. Le prophète Sallam nous a dit, soyez comme des étrangers, soyez comme des voyageurs. Eux, non. Ils sont comme des résidents. Et ils se sentent à l'aise et chez eux dans cette vie d'ici-bas. Et ils veulent rester le plus longtemps possible. Et ils pensent que c'est ça la conclusion et la destination de leur voyage. Pour eux, ça y est, ils sont chez eux et cette vie d'ici-bas, c'est chez eux. Et il n'y a rien d'autre après et il n'y a rien d'autre plus loin. Et c'est, on ne veut rien savoir. Et ça, c'est une attitude vraiment triste et dommage. Hein, parce que ces gens-là, ils s'éloignent et ils se détournent de ce qui est le plus important et de ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'est-ce qui se prépare pour nous après notre mort. Qu'est-ce qu'ils pensent à faire, ces gens-là? À se divertir, à jouer, hein, à aller danser, à aller jouer, à aller faire toutes sortes de trucs, hein, toutes sortes de choses, au lieu de s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à faire qu'est-ce qui va leur permettre de rentrer au paradis. Non. Eux, ils ne veulent pas ça. Et malheureusement, comme ils sont ici-bas, dans cet état-là, s'ils meurent dans cet état-là, malheureusement, eh bien, dans l'au-delà, ils n'auront que le feu de l'enfer. On a rien de billah. Mais une chose est certaine, c'est que pour eux, c'est cette vie d'ici-bas, c'est le but de cette vie pour eux, c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir et de profiter du temps. Et on a maintenant, malheureusement, certains musulmans qui ont adopté cette mentalité. Et même des parents qui disent à leurs enfants, « Ah, tu es jeune, profite de la vie, hein, profite de la vie, amuse-toi. » Et il y en a qui pensent que quand quelqu'un est jeune, il faut pas qu'il soit religieux, faut pas qu'il pratique la sunna, faut pas qu'il s'accroche au Coran, faut pas qu'il pratique le Coran et la sunna, commencer à laisser pousser sa barbe. Et si c'est une jeune fille, elle ne doit pas commencer à se couvrir son corps et cacher tout de son corps et porter le hijab et le jilbab, hein, et le khimar et le niqab et toutes ces choses-là. Il dit, ah mais non, pourquoi? T'es jeune, profite-en, montre ta beauté, hein, tu vas aller t'amuser dehors, a'oudhou billah. Donc ça c'est dommage. On trouve des parents musulmans qui donnent à leurs enfants ce genre de conseils parce qu'ils ont mal compris la réalité de l'islam. Ils ont mal compris la réalité de l'objectif pour lequel Allah nous a créés. Parce qu'on le voit clairement dans ce hadith-là, il faut profiter de notre santé pour notre maladie et de notre vie pour notre mort. Quand tu es jeune, quand tu es en bonne santé, c'est là qu'il faut profiter de ce moment-là pour adorer Allah. Il faut pas attendre que tu te dis, ah, quand je vais être vieux, je vais adorer. Premièrement, est-ce que tu sais que tu vas vivre vieux? Non, peut-être tu vas mourir avant. Est-ce que tu sais que tu vas être toujours en bonne santé quand tu vas être vieux? Non. Alors quand tu es jeune, profite-en. Et donc quand même la mémoire, peut-être tu vas oublier. Exactement. Regardez les gens maintenant avec les maladies comme l'Alzheimer et tout. Arrivés à un certain âge, ils se souviennent même plus de leur propre nom. Même des gens qui étaient très intelligents avant. Et puis, ils oublient tout. Hein, ils ne peuvent même plus parler. Donc ça, c'est pour donner des exemples. Qu'il ne faut pas se dire, ça y est, je suis jeune, je suis fort, je profite de la vie. Le but, c'est ça. Et quand je vais être vieux, je vais adorer Allah. Non. Tu ne sais même pas si tu vas vivre vieux. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne sais même pas si tu vas être en bonne santé. Profite de ta vie pendant que tu es en bonne santé, pendant que tu es vivant. Utilise ce temps-là et cette énergie-là pour te rapprocher d'Allah, pour obéir à Allah, pour faire ce que Allah te demande de faire, parce que tu ne vas pas le regretter dans l'au-delà, tu vas être heureux de ce que tu as fait comme sacrifice. Au jour de la résurrection, tu vas être content des efforts que tu as fait. Tu vas dire, Alhamdulillah, j'avais de l'énergie, j'étais jeune, j'avais beaucoup de temps libre, mais Alhamdulillah, j'ai pas fait comme les autres. J'ai pas couru après le plaisir, après la dunya, après les divertissements et les jeux, je me suis accroché aux ordres de mon Créateur et j'ai suivi l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et maintenant j'ai la récompense que Allah m'avait promis. Donc là, ce jour-là, tu vas être content. Mais celui qui a suivi ses passions, ses désirs, qui a fait tout ce que le shaitan lui demande de faire et qui a désobéi à Allah, qui a désobéi au messager, qu'est-ce qu'il va dire? On est, ah, malheur à moi. Si j'avais seulement profité du temps que j'avais pour adorer et obéir à Allah, hein, maintenant regarde, il est trop tard pour revenir. Donc c'est pour ça, il faut profiter du temps qu'on a pour faire ça. Et le cheikh il dit, hein, donc ne laisse pas cette vie d'ici-bas te détourner, hein, et commencer à faire des jeux et des divertissements. Hein. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu risques de perdre beaucoup. Donc si tu profites du temps et des capacités que tu as dans ce qui est bénéfique pour toi auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien ça c'est, bien sûr c'est meilleur. On a encore le temps de faire un autre hadith. C'est le hadith 41. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Donc ça c'est le hadith 41 qui est rapporté par Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. C'est un hadith qui est déclaré daïf par l'imam ibn Rajab. L'imam ibn Rajab dans le sharh Jami' al-Ulum al-Hikam, il a déclaré ça, il a déclaré ce hadith comme étant daïf. Mais comme le sheikh explique que même s'il est daïf, sa signification elle est vraie. Il est rapporté par, je pense que c'est l'imam al-Asfahani dans Kitab al-Hujja. Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja. Et l'imam al-Nawawi, il dit qu'il est Hassan Sahih. Ok? Donc c'est ça. Et c'est rapporté selon Abu Muhammad, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce que sa passion soit en accord avec ce que j'ai amené. C'est-à-dire jusqu'à ce que ce qu'il désire ou ce qu'il a comme passion, que ce soit en accord avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc, si tu veux être un vrai croyant, il faut que ce que tu désires soit en accord avec le Coran et la Sunna. Le Cheikh explique. Cheikh Al-Fawzan il dit قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم فذا نفى عنه الإيمان ثم قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أي يكون ما يهوى تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان فيه مقال ولكن النووي رحمه الله صححه وصححه غيره أيضا ويشهد له القرآن أيضا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شيخ لا بمسني عفان بمرسيب اسي à la fin c'est وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا وَيَكُونُ هَوَاهُمْ تَبَعًا لِمَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا يَكْرَهُونَ مَا حَكَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَنْ كَرِهَهُ كَانَ كَافِرًا. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذا الحديث يشهد له القرآن. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit nul d'entre vous n'est croyant. Donc il a nié la foi de qui il a dit ensuite jusqu'à ce que la, ta passion soit en accord avec ce que j'ai amené. C'est-à-dire que la passion de l'un d'entre nous soit en accord avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc celui qui trouve que sa passion n'est pas en accord avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié sa foi. Et on va lire l'explication du cheikh en détail là-dessus. Il dit premièrement, c'est vrai que le hadith, il y a certaines paroles qui ont été dites à ce, au sujet de son authenticité. Mais l'imam al-Nawawi, il a déclaré sahih. Et d'autres également l'ont déclaré sahih. Et il dit que le Coran témoigne de sa signification. Il dit, le verset 65 dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris toi, ô Muhammad, comme juge entre eux, dans ce qu'ils ont comme discorde ou désaccord, puis qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucune insatisfaction pour ce que tu auras décrété comme jugement. » Donc, le cheikh, il dit, donc, que leur passion, leur désir, ce qu'ils veulent, soit en accord avec ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a émis comme jugement. Et qu'ils ne détestent pas ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a jugé ou a décrit comme jugement, a donné comme jugement. Celui qui déteste ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a décrété, alors c'est un kafir. Celui qui déteste ce qui vient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un kafir. Il dit parce que Allah, il dit dans le verset 9, dans surat Muhammad, ça c'est parce qu'ils ont détesté ce que Allah a fait descendre, c'est-à-dire ce qu'il a révélé, et donc il a rendu leurs œuvres vaines. Parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé. Donc si quelqu'un déteste ce qui vient d'Allah, il n'est pas un mu'min. Si quelqu'un dit, moi je déteste la salat, ou je déteste le jeûne, ou je déteste le hijab, ou je déteste les règles d'Allah et les punitions que Allah a révélées dans le Coran. Quelqu'un il dit, je déteste ça, on dit, il déteste le Coran, il déteste la sunnah, il déteste le messager d'Allah, il déteste Allah. Si tu détestes quelque chose qu'Allah a révélé, c'est équivalent à détester Allah. Parce que c'est Allah qui l'a dit, c'est le prophète sur l'ensemble qui l'a dit. Donc si tu le détestes, ça dit tu détestes Allah et son messager. Et c'est pour ça que Allah il dit dans le Coran qu'il a rendu leurs œuvres vaines à cause de ça. فهذا الحديث يشهد له القرآن. Ce hadith, hein, il est supporté en sa signification par le Coran et le Coran est un témoin de sa signification. ومعنى هذا أن الإنسان يسلم لله ولرسوله ولا يعترض ولا يكره ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان فيه مشقة على نفسه وعليه أن يصبر ويعرف أن هذا هو عين الصلاح والخير له ولو كان فيه ما يشق على نفسه أو يثقل عليها فإن الجنة حفت بالمكاره قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهذا يقتضي أن المسلم يسلم لله ولرسوله ويعلم أن المصلحة والخير فيما جاء عن الله ورسوله ولو كانت نفسه فيها استثقال أو تباطؤ عن ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc le cheikh il dit ensuite que la signification de ça, ça veut dire qu'un être humain, il doit se soumettre à Allah et à son messager, et il ne doit pas s'objecter à ce qui vient d'Allah et à ce qui vient de son messager. Et il ne doit pas détester non plus ce qui vient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, même si il trouve que cette chose, elle est difficile pour son âme, ou difficile en lui-même, il doit faire preuve d'endurance et de patience. Parce qu'il doit être convaincu et savoir en lui-même que cet ordre d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bien pour lui. mais il y a le bien pour lui. Même s'il le trouve un petit peu difficile ou lourd, hein, il doit comprendre que le paradis, il a été entouré de choses qui sont parfois déplaisantes pour l'âme, difficiles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, hein, حُفَّةِ الْجَنَّةِ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّةِ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique que le paradis, il était entouré des choses qui sont dures pour l'âme, hein, un peu parfois, et parfois, elles sont déplaisantes, des choses qui sont dures. C'est-à-dire, par exemple, le matin, toi, tu veux dormir. Mais tu dois te lever pour le Fajr. Ça, c'est pas plaisant. Qu'est-ce qui est plaisant à ce moment-là? C'est de dormir. C'est de se laisser aller dans le sommeil. Mais le paradis demande qu'on fasse des efforts. Qu'on fasse des efforts pour se rapprocher d'Allah. Donc, il y a quelques difficultés dans le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala parfois. C'est lourd pour l'âme, mais il faut être endurant et patient. Et l'enfer, il est entouré de quoi? De shahawat, des désirs qu'on peut avoir au fond de notre cœur. Comme par exemple, les gens qui aiment dormir au moment où c'est l'heure de la prière de Fajr. Ou bien, il y a plein d'autres choses de la dunya. Exactement, les divertissements. Regarder des choses haram, faire des choses haram, dire des choses haram, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui sont en train d'entourer l'enfer et qui nous attirent vers l'enfer. Donc, il faut être patient, endurant et s'éloigner de ces choses-là, demander à Allah son aide. Et il mentionne le verset 216 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et il se peut que vous trouviez quelque chose déplaisant, alors que c'est un bien pour vous. Hein, vous n'aimiez pas quelque chose, alors que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose, alors que c'est quelque chose qui est mauvais pour vous. » Et ça, c'est la réalité de nous, les êtres humains. Parfois, on pense que quelque chose est bon pour nous et on veut le faire à tout prix, et après, on réalise que c'était pas bon. Et parfois, c'est le contraire. On veut pas faire quelque chose, alors que c'est quelque chose qui est bon pour nous, parce que notre raison et notre bon sens, il est limité. Hein? On est très limité, nous, les êtres humains. Et le cheikh, il dit donc, ça implique quoi? Ça implique que le musulman, il doit se soumettre en toute situation à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il doit savoir que le bienfait et tout ce qui est bon pour nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager qui nous l'ont ordonné et enseigné et recommandé, etc. Donc, même si tu trouves qu'en toi-même il y a un peu de lourdeur et que tu te sens un petit peu lent à mettre les ordres d'Allah en application, tu dois savoir, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, le verset 216, dans Surat Al-Baqarah, que Allah c'est lui qui sait et toi tu ne sais pas. Donc, c'est lui qui sait qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est mauvais pour toi et toi tu ne le sais pas vraiment. Même si parfois tu t'imagines le savoir. Bon, il reste un seul hadith à expliquer. Et je pense pas qu'on aura le temps de le lire au complet aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va s'arrêter maintenant. Puis, on expliquera la suite du hadith au prochain cours, Inch'Allah. C'est bon? Donc, on va s'arrêter. Subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.